De Radio Chevaucheur, Lisiane vous dit bonjour en ce dimanche. Bienvenue sur la 105.5 Quoi de Neuf. Vous êtes à l'écoute de Radio Chevaucheur depuis le 7 rue de Chevaucheur à Lèves. Éclipse solaire dans quelques jours. Nouvelle douloureuse. Information concernant Michael Schumacher. Wallonie, disparition d'une jeune fille. Anniversaire People. François Pérusse aujourd'hui. Demain France Gall, mardi Séverine, mercredi Goldman, jeudi Tonton David, vendredi Slimane, samedi Gérard de Palma et dimanche prochain Sandra Kim. De neuf, quoi de nouveau pour Radio Chevaucheur? Ce mardi, Jean-François recevra le chanteur Carmelo qui viendra présenter son nouveau CD et bien sûr, prochainement, il sera dans le cabaret chantant au spectacle de Radio Chevaucheur. Ce dimanche, nous aurons à la guinguette de Radio Chevaucheur Jean-Yves Quinet. Ferry Gourmande à Sorcelles-Laurent, 40 artisans et producteurs locaux seront là le 29 octobre de 10h à 18h au centre sportif de Sorcelles-Laurent. Chaussée de Namur, 69 à Sorcelles-Laurent. Entrée payante à 1 euro par adulte, gratuit pour les enfants. Venez nous rejoindre le 29 octobre, 40 artisans producteurs locaux. C'est à Sorcelles-Laurent le 29 octobre. Alors, cette semaine, comme je vous le disais, Jean-François recevra le ténor Carmelo qui viendra présenter ses chansons sur Radio Chevauchard. Et mardi après-midi, comme chaque fois, vous avez votre émission avec Luce et puis vous aurez votre animateur Romain. C'est son tour cette fois-ci. Vendredi, n'oubliez pas qu'après l'animateur Bernard, vous aurez Frédéric à 12h30 et puis ensuite Robert et Jean-Paul. Dimanche 22 octobre, rendez-vous à la guinguette des étoiles de Radio Chevauchard avec Nicole Méry, Luigi et sa sœur, Raphaël Picarella et Christian Vidal pour terminer. Le 29 octobre, on vous donne rendez-vous avec Josiane Martin, on change les heures. N'oubliez pas ce week-end du 29, bien sûr. Pour les personnes qui aiment voyager, n'oubliez pas de réserver qu'il est grand temps pour le samedi 11 novembre. On va tous chez Francis Durant pour le thé dansant de Michel Prévost avec repas complet compris. Comme vous le savez, l'apéritif, le plat, l'entrée, le dessert, les fromages, les boissons à volonté, etc. etc. Tout compris pour 75 euros par personne. Il faut payer avant le 15 octobre. Le samedi 28 octobre, vous donne rendez-vous aux amateurs du bingo. Jeu bingo à la guinguette de Radio Chevauchard, le 28 octobre. Vous avez joué au loto, vous êtes peut-être les heureux gagnants du numéro suivant. Alors, pour ceux et celles qui ont joué au loto le samedi 7 octobre, le 6, le 13, le 19, 35, 43, 44 et 14, Joker Plus 643, 635, signe Gémeaux. La météo de ce dimanche de 12 à 24 degrés, globalement ensoleillé. Lundi, ce sera de 12 à 21 degrés. Et mardi, de 13 à 23 degrés. Fêtons les Pélagies. Bonne fête à vous. Allons écouter un petit morceau de musique avec Slimane, cette fois-ci, que je vais vous proposer. Restez branchés et informés, www.radiochevauchoir.be ou sur notre page Facebook Radio Chevauchoir. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit renne au nez rouge. Rouge comme un lumignon, son petit nez faisait rire chacun s'en moquait beaucoup. Et oui, quand vous allez dans les magasins, on voit déjà tout ce qu'il y a pour Noël. Alors Radio Chevauchard, n'oubliez pas qu'il prépare également le 16 et 17 décembre son petit marché de Noël. Le samedi, vous aurez bien sûr le cabaret chantant avec Jean-Pierre Darras, Claudie Delfos. Ce soir, comme un ange né rouge. Robert Farès et encore bien d'autres. Ciel. Et le dimanche, à la guinguette de Radio Chevauchard, eh bien, vous avez bien aimé Elliot. Elliot, bien sûr, qui a joué les Shadows, que vous avez pu entendre à Radio Chevauchard la semaine dernière, à la guinguette de Radio Chevauchard. Eh bien, il sera là le dimanche 17 pour l'apéritif. Alors, si vous voulez venir le dimanche 17 décembre, vous aurez l'occasion de le rencontrer et bien sûr, de profitez un petit peu de cette musique qui jouera tout au long pendant votre repas si vous le souhaitez. Pourquoi pas venir nous rejoindre, mais ça, ce sera bien sûr le 17 décembre et l'après-midi, le musette comme chaque fois. Et c'est le 16 et 17 décembre pour le petit marché de Noël de Radio Chevauchard. On attend vos inscriptions également pour les personnes qui le désirent. Exposé. Vous recherchez une personne qui peut vous aider dans l'informatique? N'hésitez pas à contacter Jean-Paul au 0485 49 65 31. L'informatique, c'est son domaine. Bienvenue à la gagnette ce dimanche 8 octobre avec Jean-Yves Quesnay, 14h. Puis nous passerons dimanche 22 octobre avec le cabaret des étoiles. Le 28 octobre, ce sera le jeu bingo. Et le 29 octobre, nous aurons José Martin. Pour les personnes qui ont réservé le 5 novembre, nous irons à Tourcoing. Pour le 24 novembre, n'oubliez pas l'opérette avec Andoni. N'oubliez pas que les cartes sont en vente à Radio Chevauchard. Et le 25 novembre, nous aurons bien sûr la sortie pour les 50 ans de Cathy Minet. Si vous voulez réserver votre repas, votre place, vous pouvez le faire à Radio Chevauchard. Ça vous coûte 30 euros par personne. Et vous allez bien sûr vous-même à Assières. Ou là où on vous attendra. Oh mec, le défi sublime, enfin. Vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous. Tous les matins avec vous, 105.5 FM. La fréquence idéale. Thank you. Voici votre apéritif musique tous les dimanches matin. Bien le bonjour à vous tous et toutes, si vous venez de prendre l'antenne. Un contact téléphonique, vous pouvez le faire en faisant ce numéro. 0900 10 257. 0900 10 257. Ou alors avec la petite carte qui est disponible à Radio Chevaucheur, quand vous venez à la Gaguette, eh bien vous l'achetez, ça vous coûte 10 euros pour 12 numéros et vous avez simplement un numéro de GSM pour nous contacter. Bon anniversaire aujourd'hui à Jacques de Floref. Joie, bonheur et santé. Bonne journée auprès de Nadine Jacques. Et un bon verre à notre santé.